Ça a commencé dans les journaux. Dès le début, c'était clair, on n'avait jamais vu ça. Parce que ça touchait des villages. Des petites villes. Vous voyez ça dans la rue, là, dehors, ça commençait à rentrer par les fenêtres. C'était un virus. 14 ans, les premières sorties, les premières conneries, les premières envies dans un climat primaire de survie. Habitation en loyer modéré, décor planté, salon de 20 mètres carrés avec l'inno sans feu de cheminée. Les assistances qui réagissent pas, j'en ai eu la preuve. À l'époque, elles croyaient pas qu'un blanc puisse être pauvre. Et c'est là où le bas blesse, moi les deux pieds dans la... C'est là où le bas blesse, moi les deux pieds dans la tête. Ce genre de type qui est toujours à l'as. Les nouvelles sont pas excellentes. Nous, ce qu'on voulait, c'est juste qu'on nous respecte. Ou à défaut, qu'on nous craigne en fait. Je crois qu'on a fait pas mal de... Mais sans problème avec nos consciences. Mais peu à peu, ceux qui nous entourent faisaient plus confiance. J'ai dû rater un épisode en un clin d'œil, tout a changé. Je sais pas ce qui s'est passé, je crois qu'on est tous tannés. Merde, c'est par où la sortie? Laissez-moi passer, c'est pas ça que je voulais, c'est vivre dans une autre vie. Dans une autre vie. Dans une autre vie. Dans une autre vie. Alors, tu es qui? Moi je rappe depuis 9-2, donc depuis plus longtemps que la plupart des MC du 9-3. C'est pas un phénomène de mode, j'suis né en mode hip-hop. Pense hip-hop, vie hip-hop et même j-hip-hop. File de là, avec ta pauvre culture musicale. J'sais d'où tu viens, juste en écoutant ton instrumental. Et les mecs, vous faites du rap en série. J'ai un scoop pour vous, la France ne se limite pas qu'à Paris. Pour s'extérioriser, montrer ce qu'on sait faire. J'sais même plus pourquoi j'rappe, et toi tu le sais frère. Les années ont filé, mais j'ai pas perdu le filon. Fiston, pour s'exprimer, j'crois que t'as pas besoin d'une raison. Qu'est-ce que tu veux que j'te dise? Aucun sens de l'humour. Un ramassis de bouc avec la tête qui secoue. Il étrit du solfège et mélange de mauvais goût. Ça sait pas se brailler, mais ça ne cesse de brailler. Ça marche dans des pompes neuves avec les lacets des fées. Oh, les rappeurs ont mauvaise réputation. Désolé si on ne correspond pas à ce que vous attendiez, à ce que vous espériez. Si notre art de vivre vous cause du tracas, ça ne fait que commencer. Le passé qui t'exacte, ça se ressent à ton contact. Mais où est donc passé ton tact? Je crois que je l'ai perdu. Des pris de noirceur, submergé par la rancœur. Explique-moi d'où vient cette douleur. Je crois bien que j'ai jamais su. Les années filent et tu stagnes. Pourtant tu dis que t'as la hargne. Crois-tu que c'est comme ça qu'on gagne? Écoute, là c'est vite vu. Je cherche pas la médaille ou la coupe. Et si tu veux me test, il faut pas que tu te loupes. Mon nom c'est Psycho, faut pas que tu t'y trompes. C'est bon, t'es calmé, je peux en placer une. Pour BUZ et FR, mes compères du son qui t'importune. On reverra, c'est tout vu. Note mon blase sur ta liste au chapitre des malvenus. Un matin hivernal ou un soir de carnaval, je ferai carnage dans ta vie, d'amont jusqu'à mon aval. On se reverra dans cette vie ou une autre. Peut-être en enfer d'avoir trop péché en quelque sorte. Nos chemins se croiseront de nouveau. J'espère que d'ici là, t'auras pris du niveau. Section one shot. Quartier nos cases. Toujours à l'aise dans le rap. Les plaises et je m'en tape. On va pas s'emballer dès le premier couplet. Et si tu me laisses pas parler ta langue, je vais la couper. Je vais dans la sincérité, donc je vais pas te tromper. Et je pense que dans le rap, il y a trop de trompettes. Trop de faux, trop de wax qui font de la gonflette. Y'a pas de test sans test au zéro, leur vie stop net. Avec 4-7, on arme la cassette, prêt à tout casser. Soit t'es un pan, soit ta tête. 2010, fils, pour moi comme un titre de film futuriste. L'année qui annonce le retour des puristes. On fait pas du son à l'arrache. Il sait, il faut que tu saches. Section one shot, tu sais ce que ça veut dire. Ou bien il faut que je me fâche. Moi le patriarche avec mon flow taillé à la hache. Tempérament d'Apache. Si dans la soirée tu fais tâche, ils vont même que tu caches. Ça va être hoche. Oups, c'est face de ouf. Toujours à la futouf ou de bouffe. Si tu pouffes, tu vas te prendre une baffe. Quartier nos cases, toujours à l'aise dans le rap. N'en déplaise si je m'en tape. J'ai trop d'avance dans le secteur, donc je reste au top. Toujours pas de style, pas de marque, sans être quelconque. Et tout ça gique de la même manière que tu perds un furon. Rap artisanal de premier choix, c'est moi qui tiens les rênes. Je fais tout pour être bien servi, il faut le faire soi-même. Désolé si je ne rentre pas dans vos critères. Désolé si je n'aime pas votre son et vos sales manières. Recherche échouée pour concept, j'ai rien trouvé d'autre que de rester frais. Sans artifice, fils, j'ai pas le flow lisse. Pour ne faire que revendiquer ma zone ou tirer sur la police. Alors c'est ça que t'aimes quand ça aboie dans le mic.